Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. On pique notre fourchette dans un des plats favoris de Stéphanie Gagné. Et on reçoit Sébastien Dulude avec sa chronique de Montréal. C'est Jésus. On a aussi les plus récentes nouvelles geeks de Cénix à Assemblage requis. Ça commence maintenant. T'avais un mot, d'un petit de trop. Bon, et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 14 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Et oui, on a une belle émission pour vous aujourd'hui en cette journée-là. C'est quoi la fête de... C'est la Pentecôte, je pense? La Saint-Vava. Ah, la Saint-Vava. Oh, Vava. La Saint-Vava. Oui, ben c'est drôle que quand même Valentin commence par la même voyelle qu'un autre mot qui commence par Va, qui va bien avec la Saint-Valentin. Vas-y donc. Vas-y donc, c'est ça. Vas-y donc, exactement. C'est très compliqué. Donc aujourd'hui à l'émission, à 7h30, on aura Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori. Elle va nous présenter encore une fois de la musique, un coup de cœur, des choses comme ça. Ça dépend des fois. Je sais qu'elle a un site web à nous présenter aujourd'hui. Un site web? Oui, et un groupe de musique dont Kiwa nous a parlé en début d'année, sinon en fin d'année passée. Et que, aussitôt que je l'avais entendu, j'avais dit « Oh, faut que je m'en vais sur iTunes, l'acheter tout de suite. » Tu te rappelles de ça? Puis là, elle nous parle de ça? Elle va nous en parler un petit peu. Mais elle est en retard? Elle n'est pas en retard, elle vient de découvrir ça. Mais moi, je suis content parce que j'aime ça. Okay. C'est quoi? Proche, Born Gold. Okay. Tu te rappelles, c'est des musiques un petit peu jeux vidéo. Là. Donc, tu vas être content. Pas du chiptune. Ça va te faire plaisir. Ah, oh boy. Eh, bah, ouais. Ensuite, à 8h30, on aura Sébastien Dulude pour son éditorial Va voir ailleurs, j'y suis. Et non pas Va voir ailleurs si j'y suis. Ça, c'était son nom. Elle s'appelait comme ça avant, ça collait. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs si j'y suis. Il a enlevé le si. Ouais, c'est ça. Il est là. Parce qu'il est rendu là. Alors ça, c'est à 8h30 en toute fin d'émission. On va aussi avoir la chronique Geek CLX dans l'émission d'aujourd'hui. Et plein d'autres choses, sûrement. Plein d'autres choses. Hier, je me rappelle que tu m'avais dit « J'aimerais ça entendre si on a créé un monstre. » On n'avait pas le temps hier. Non. Là, on a le temps. OK. On écoute donc 5.0. 5.0. Assemblage requis. C'est une de tes pièces favorites, hein? Oui, je l'adore. Oui, ouais, ouais, c'est bon. Mais toi aussi? Ouais. Ça, puis les chiptunes, là. Ouais. Ouais. T'es vraiment en poche. Je m'insulte tout le temps. Toi, c'est tes goûts qui sont poches. Oh! Hey, joyeux Saint-Valentin, Mathieu. Oui, Blanc. Merci. Toi aussi. Et à vous tous. J'ai souvent brûlé du temps en improvisant des paroles qui chantent sur le moment. Et le vent qui déchire ma 5.0. Et les chevaux sous mon capot, je mets tout de côté. Le volume de ma radio trop fort.

The Kooks! Et c'est très bon ce matin, hein? Oui, la c'est la Saint-Valentin. Ah, ben c'est ça, hein? Là, tu plantes. Sumo, c'est la Saint-Valentin. Je te trouve beau ce matin. Ah, Colin, je trouvais mon chandail un petit peu trop serré. Non, c'est pas si pire. What? Ouais. Une petite bedaine qui essaie de sortir. C'est ça, merci de me rappeler. La raison de ma petite bedaine, c'est la chronique ciné. Chronique Geek CNX en ce mardi 14 février, donc les nouvelles depuis hier matin. François, t'allais dire? Non, je m'allais dire, c'est à cause de ta chronique CNX, justement. Que j'ai une petite bedaine. Mathieu Plante. Bon, tu préfères les deux, tu préfères ça et de l'exercice. Malade. Donc, on commence avec Apple un petit peu, et en fait, ce qui tourne autour d'Apple, pas nécessairement Apple en particulier. On se rappelle, la Fair Labor Association, ils débutent l'inspection des usines Foxconn. On revient un petit peu en arrière. En janvier dernier, suite à des audits effectués dans les usines concernées, Apple avait publié la liste des violations aux droits du travail associées à ses mêmes fournisseurs. Aujourd'hui, à sa propre demande, Apple annonce que la Fair Labor Association débute l'inspection aux usines Foxconn de Shenzhen et Chengdu en Chine et que la même opération sera effectuée au printemps pour les installations de Quanta et Pegatron. Donc, les usines Foxconn, notamment responsables de la fabrication de l'iPhone et de l'iPad, sont tristement reconnues pour la vague de suicides qui est survenue au sein de ses employés en 2010. On se rappelle, Apple et plein d'autres compagnies utilisent les services de Foxconn pour assembler leurs affaires. Et il y en a qui se tuent parce qu'ils ne sont pas beaucoup payés du tout. Ouais. Et que l'argent qu'ils reçoivent va être donné à leur famille si jamais ils se tuent. T'sais. Donc, leur famille peut vivre convenablement. Contrairement à eux, c'est ça. Apple avait d'ores et déjà accepté que les inspecteurs indépendants de l'organisme Fair Labor Association puissent scruter l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Le processus débute donc officiellement cette semaine. La firme de Cupertino poursuit, ça c'est Apple évidemment, poursuit parallèlement le déploiement de son programme SEED, qui est Supplier Employee Education and Development, qui permet aux travailleurs des 10 fournisseurs de suivre gratuitement des cours informatiques de finance et d'anglais. OK. L'équipe du Fair Labor Association, qui bénéficiera d'un accès complet à toutes les aires de travail et de repos, se penchera sur la santé et la sécurité des travailleurs, leur rémunération, leurs conditions de travail, le nombre d'heures travaillées et la qualité des échanges d'informations avec la direction. Des milliers d'employés seront rencontrés pour mener à bien cette opération. Donc, espérons que ça va mener à quelque chose de positif. Évidemment. Le Sénat américain songe à interdire le partage automatique de médias sur Facebook. Essayons de comprendre cette nouvelle-là. Des modifications à une loi désuète pourraient forcer les Américains à donner leur autorisation à toutes les fois qu'ils partagent un livre, une chanson ou une vidéo sur Facebook. Selon le Video Privacy Protection Act, le VPPA, il est interdit de divulguer l'historique de location de films d'un individu. Cette loi a été adoptée en 1988 suite à la publication en première page d'un journal de la liste exhaustive des cassettes VHS louées par Robert Bork, un juge pressenti pour la Cour suprême. La Chambre des représentants a récemment réformé le VPPA qui statuait qu'un individu devait donner son accord à chaque titre partagé, un après l'autre. En effet, depuis décembre 2011, un consommateur peut allouer le partage de ses informations de visionnement une seule fois de façon durable, à la condition qu'il soit possible de retirer cette permission, et ce, peu importe que ce soit un DVD, une cassette, des vidéos téléchargées ou du streaming. OK. Tu sais, sur Facebook, des fois, quand tu vas pouvoir, écouter une radio en ligne comme, disons, Spotify, Last FM, quelque chose du genre, et chacune de tes chansons va être postée sur ton Facebook parce que tu as donné l'autorisation une seule fois. Donc, c'est Netflix qui fait cette demande de révision au gouvernement américain, bien que le service de location de vidéos ait lancé son application de partage sur Facebook en 2011, il ne l'avait jamais implanté, qu'au Canada et en Amérique latine, jugeant la loi trop ambiguë aux États-Unis. Leur compétiteur Hulu a quant à lui permis à ses utilisateurs américains d'utiliser le partage automatique des vidéos sur Facebook. Mais plusieurs sénateurs démocrates n'approuvent pas les amendements proposés par la Chambre et pourraient bloquer la mise à jour du VPPA. Il a même été question de l'étendre aux livres et à la musique. Donc, ça voudrait dire qu'un utilisateur américain devrait valider par un clic ou deux chaque partage de médias sur Facebook. Une nuisance à l'expérience en ligne ou un rappel nécessaire de la protection de la vie privée, nous demande l'article de branchezvous.com. Tu devrais avoir le choix d'un bord ou de l'autre. Ouais, c'est ça, exactement. Si je veux le faire, je peux le faire. On vient sur Apple. Donc, on parle du site Patently Apple, qui est un site qui dévoile un peu les brevets qu'Apple réussit à avoir. Une entreprise a récemment déposé un brevet au US Patent and Trademark Office pour une technologie baptisée Eye Tracking, donc le suivi des yeux. En effet, cette technologie, qui pourrait être intégrée au prochain iPod ou iPad, se concentre sur les yeux de son utilisateur en fonction de leur orientation et de la lumière environnante. La perspective de l'image affichée sur l'écran de l'appareil change. Donc, c'est des écrans 3D sans lunettes. Ce qu'on dit qui est bien avec cette technologie-là, c'est qu'elle ne nécessite pas d'écran particulier, comme c'est le cas avec certains appareils comme la Nintendo 3DS. Évidemment, il faut un appareil spécial. En fait, il n'aurait besoin que de l'appareil photo, ainsi que de la boussole, de l'accéléromètre et du gyroscope de la machine pour fonctionner. Elle pourrait révolutionner le petit monde de l'électronique et plus spécifiquement celui des appareils nomades, comme les téléphones intelligents, les cellulaires ou même les consoles de jeux. Si la 3D affichée est convaincante, nous dit-on, de plus en plus de fabricants pourraient avoir recours à ce genre de technologie plutôt qu'à des écrans 3D qui sont souvent coûteux. Vous pouvez aller voir la vidéo de comment ça se passe, la perspective de la profondeur sur un, je crois que c'est un iPad qui est quand même assez gros, ça, c'est un iPad. Donc le gars suit avec sa caméra l'appareil, l'iPad, et on voit même dans la vidéo sur YouTube l'effet de profondeur que ça donne. Je veux dire, je sais pas comment ça se fait, mais on voit vraiment l'effet 3D dans la vidéo. Donc allez-y sur assemblagerequis.com. C'est quand même spécial, je trouve. J'aime ça, j'aime même vraiment beaucoup ça. Je pense que j'aime plus ça que de la 3D sur une télé ou un jeu vidéo 3D. Mais c'est souvent ça qui manque. Ouais. Au lieu de, justement, la 3D qui rend pas l'effet... Non, puis il faut que tu te mettes les yeux cross-side. Ah non, puis il faut que tu sois bien placé. Si tu tosses un peu, ça fonctionne pas. C'est pas malade. Non, vraiment pas, vraiment. Plus je joue, moins j'aime jouer en 3D sur la 3DS. On a déjà parlé maintes et maintes fois. Alors, prochain sujet. Mattel, qui va sortir Loverboard de Retour vers le futur. C'est la planche flottante. Ouais. La marque de jouets Mattel proposera en précommande le mois prochain une réplique du célèbre hoverboard de Retour vers le futur. Prix élevé à prévoir et limitation de mise, dit Cubic.com. Si dans Retour vers le futur 2, Marty se sert de cette trottinette Mattel sur coussin d'air comme d'un skateboard pour échapper à Griff Tannen, la réplique annoncée par la marque ne permettra pas aux fans de la trilogie de rejouer cette scène mythique. Car ce modèle, même s'il est très proche de l'original d'un point de vue esthétique, est capable de survoler la plupart des surfaces, mais pas l'eau, sera bien incapable de supporter le poids d'une personne, même d'un enfant. Mattel donne pour l'heure peu de détails concernant la méthode de lévitation, mais dans la mesure où il s'agit d'un produit destiné à rester en vol stationnaire, on peut imaginer une conception à base d'électro-aimants. Ce que la marque affirme. La marque affirme qu'il peut glisser sur un grand nombre de surfaces. Donc, il n'est pas dessus, debout, mais la planche peut avancer sur plusieurs surfaces. Objet de collection, donc très réaliste et non pas du tout un jouet tel que présenté dans le film. Même si d'ici 2015, la marque a encore le temps de perfectionner l'ensemble, le prix n'a pas été annoncé, mais les précommandes vont être du 1er au 20 mars prochain. Et si cet hoverboard attire suffisamment de collectionneurs, les livraisons sont effectuées entre novembre et décembre 2012. Voilà. M'intéresse pas du tout si je peux pas voler dessus. Moi. Non, c'est ça. C'est un peu le but, là. On est quoi, en 2012, 13, 12, non? 12, là? 12. On peut-tu voler à quelque part, hein? Ouais, c'est s'il vous plaît. Avancée technologique, quelqu'un. Est-ce que t'es allé sur Google.com aujourd'hui, la version américaine typique, là? Je sais pas si ça apparaît sur toutes les versions au Québec, des fois. Ça fonctionne même sur le point. Un petit vidéo? Oui, un beau petit vidéo sur le logo de Google en ce moment. Ben, c'est sûr que vous allez en entendre parler partout aujourd'hui, c'est certain. Mais donc, on dit, son origine reste voilée de mystère, mais elle ne manquera pas de toucher la corde sensible des matheux romantiques. Mathématiques. En entrant une équation spéciale dans le moteur de recherche de Google, on obtient un résultat palpitant. Donc, on parle pas de la vidéo avec la corde à danser. Non, non. Tu la vois, ça? Ouais. C'est cute. T'as du son aussi? Oui, c'est ça. Je viens de le baisser, d'ailleurs, parce qu'on l'entendait. En tout cas, c'est super cute. Mais bon, je vous parle d'une équation mathématique. Qu'est-ce qu'il faut rendre? Ouais, c'est ça. Donc, l'équation en question qui jouit d'un buzz chez les geeks et dans la presse spécialisée, c'est SQRT, parenthèse, COS, parenthèse, X, sur la parenthèse, fermement de parenthèse, étoile, COS, parenthèse, 300X. Je pourrais continuer très, très longtemps. C'est très, très, très compliqué. En la collant dans le moteur de recherche de Google, en passant par l'article sur assemblagerequis.com, on obtient un graphique avec un cœur en son centre, François. Un cœur. C'est l'équation du cœur, François. C'est beau, hein? Ça marche pas? Marche pas. De quoi? L'équation, tu l'as copié-collé, ça marche pas? Ouais, mais tu sais, j'ai tapé SQRT. Non, mais c'était encore plus long que ça. Non, mais il t'en sort plein, là, dans Google. Là, OK. Ah, ben ouais, parce que sûrement que la plus populaire doit être quand même... Là, je prends la plus longue, mais c'est une des premières. Non. En tout cas, bref, Google, qui est connu pour ses doodles, comme on en parlait, les doodles, c'est des petits logos spéciaux. Elle n'est pas à l'origine de cette équation. Non, on ne connaît pas l'âme romantique qu'il a créée. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'utilisateur Twitter Huckberry qui l'a révélé aux blogueurs. Google est connu pour d'autres petites surprises de ce type. En entrant l'expression, par exemple, « do a barrel roll ». J'en avais déjà parlé. Si tu écris « do a barrel roll » en moteur de recherche... Ouais, il fait... Un tonneau. Ouais. Un tonneau. Et si tu entres « let it snow », est-ce que tu l'as vu? J'en ai parlé aussi. « Let it snow », il se met à neiger sur ta page. Oui, je l'avais fait l'autre fois. C'est fun, ça. C'est beau. C'est cute, j'aime bien gros ça. Parlant de jeux vidéo, rapidement, Sony semble croire à l'avenir de sa nouvelle console portable, la PlayStation Vita, qui sort le 22 février, donc mercredi, pas demain, mais l'autre après. Et envisagerait même de porter son système d'exploitation à d'autres terminaux à l'image des smartphones et des tablettes pour proposer l'expérience utilisateur haut de gamme en matière de jeux sur les futurs dispositifs de la marque. C'est lors d'une séance de questions-réponses à laquelle étaient conviés la presse et les investisseurs que le vice-président senior de Sony Computer Entertainment, Yoshio Matsumoto, a laissé entendre que l'entreprise avait partiellement d'autres projets pour l'OS, le système d'exploitation de la PlayStation Vita, la nouvelle console portable de Sony. Je cite, « Si vous me demandez si nous avons fait en sorte que cet OS soit extensible pour être décliné sur des smartphones et des tablettes tactiles afin d'assurer une partie gaming haut de gamme, eh bien, sachez que la réponse est oui. » Il a répondu à sa propre question. Matsumoto a tout de même immédiatement ajouté que l'intégration de l'OS de la Vita dans d'autres appareils n'était pas à l'heure actuelle dans les projets de la société, mais qu'il a bel et bien été conçu avec cette idée à l'esprit. Donc, ça pourrait être vraiment bien. Déclaration qu'on dit pas étonnante puisqu'on sait que Sony souhaite se réorienter de façon conséquente vers le secteur du divertissement. Voilà. Toujours au sujet de la PlayStation Vita, le New York Times rapporte que Sony va dépenser $50 million pour promouvoir le lancement de la PlayStation Vita dans les prochaines semaines. Selon le vice-président John Kohler, ce sera la plus grande campagne publicitaire pour le lancement d'une console de Sony, donc plus que la PlayStation 3. Attendez-vous à être vraiment bombardé de publicité de PlayStation Vita. On dit qu'il va y avoir des publicités télé, des affiches géantes dans certaines villes, des promotions avec les détaillants, des bannières publicitaires en ligne, une présence soutenue dans les médias sociaux. Le thème de la campagne va être « Never Stop Playing ». Vous avez sûrement déjà vu ça si vous avez visité des magasins grande surface depuis les dernières semaines. « N'arrêtez jamais de jouer », là, si on voit cette phrase-là sur des pancartes de carton partout. Ah ouais? Non, moi, j'en ai pas vu. Dans le magasin qui vend des murs. Là. Qui vend des murs. Non, mais je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds là-dedans. T'es chanceux, ouais. Man, dude. Yes, sir. Man, dude, bro. Donc voilà, la Never Stop Playing pour la PlayStation Vita. Petit tour du net, l'anatomie de Pac-Man, c'est l'artiste français Gentil Garçon. Gentil Garçon qui a travaillé avec le paléontologue François Escuyer pour former un crâne dans la vraie vie, entre guillemets, de la célèbre icône des jeux vidéo Pac-Man. Donc, on voit le crâne de ce que serait un Pac-Man si un Pac-Man était vivant. Allez voir les photos, c'est très joli. C'est via robomutant.com et legentilgarçon.com, et le lien sur assemblagerequis.com. Hmm. Évidemment, aux Grammys, un des grands gagnants a été Bon Iver. Ouais. Bon Iver, on se rappelle tous, on aime tous sa musique, Bon Iver. Ouais, très bien. Mais un peu comme quand les Arcade Fire avait gagné, à quel prix déjà les... Les gens ne les connaissent pas. Les gens, ils connaissent pas Bon Iver, donc ils demandent sur Facebook, c'est qui ça, Bon Iver, là? Bon Iver. C'est lapin et ours, là, Bon Iver, c'est qui ça? C'est comme, who the fuck is this award? Ouais, c'est ça. Ou encore d'autres, parce que la plupart, c'est who the fuck is Bon Iver, on s'entend que c'est pas mal la phrase. Il y en a d'autres, c'est comme, genre, sérieux, c'est qui ça, Bon Iver? C'est-tu con, sérieux? Si tu connais pas ça, va l'écouter. Ben c'est ça, c'est la mentalité de radio commerciale. Puis ça, on entend ça dans toutes les radios commerciales. Ben, si je connais pas ça, c'est pas bon. Hey! L'épée. Sérieux. L'épée. En tout cas. Mais bon. Même chose pour Ella, c'est encore pire que Bon Iver, parce que Bon Iver, on le sait, c'est alternatif, c'est underground. Ça se peut que vous connaissiez pas ça, même si vous connaissez l'underground. Du coup, t'es peut-être c'est fou, vous connaissez pas Bon Iver, on vous respecte pareil, c'est normal. Mais Paul McCartney. Ouais, mais ça, j'imagine, c'est plus une blague. Ben, en tout cas, peut-être, là, mais il y a comme des millions, milliards de statuts sur Twitter et sur Facebook en ce moment de gens qui demandent qui est Paul McCartney et l'autre qui dit... Moi, je peux pas croire que ça, c'est pas une blague. Ben, t'sais, ça se peut. Non, mais sérieusement. Tu penses? Ben... Ça se peut. Je sais pas. Écoute, sinon, sérieux... Ça n'a pas de sens. C'est sûr que tu l'as déjà vu à quelque part. C'est sûr, sûr, sûr. Même si tu n'écoutes pas ça. Là. Hey, les gens sur Twitter le traitent de old fart. Hey, vieux pet. Tu sais, c'est comme... Les gens sont fous. Là. On s'entend que c'est un monument national. Les gens sont fous. Ils sont fous, Red. En tout cas, vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com le lien que je vous ai posté, la mesure des kilomètres et des kilomètres de long de gens qui demandent c'est qui. Paul McCartney. Who the fuck? Who the fuck Who the is fuck? Paul McCartney? Et on termine avec une robe qui monte ta craque de fesses parce que tu sais, c'est très une important. Une robe? Ouais. Monte donc, je veux voir ça. Sur assemblagerequis.com. Attends un peu. Parce que les filles aiment montrer leur cleavage. Leur cleavage, c'est genre l'entrée de poitrine, le mm-hmm. début de la route, l'avenue, là, sur le vers les montagnes. Le highway. Là. C'est ça, le highway vers les montagnes. Mais à l'arrière, les monts et vallées sont aussi importants. Hein? Donc, cette robe-là, ben, ça te permet aussi, j'imagine, de voir... Et ça, c'est quelqu'un qui vend ça en ligne sur le magasin Etsy. Etsy, c'est un magasin où tu peux poster, tu peux vendre des produits que tu as toi-même créés. C'est comme un genre de petit marché aux puces. Lui, si on veut, il garde un petit profit, j'imagine. C'est exactement ça, un gros profit. En fait, je pense que l'argent va pas mal majoritairement à la personne qui a fait la robe. Mais ça, ça te permet aussi de voir si tu as quelque chose de pogné dans. Parce que des fois, il y a du papier de toilette qui débarque. Ça, j'imagine. Mathieu Plante. Non, mais c'est beau. Ouais. Bon, c'est beau, hein. Mais je trouve qu'on voit trop l'autoroute jusqu'au. Ouais. C'est un peu long, je trouve, la caille. Hein? Que voulez-vous? Voilà pour ça, on va écouter un petit peu de chiptune. Après ça, bon hiver? Oui, après ça, bon hiver, bonne idée. Puis aussi, faire découvrir ça aux gens. On va se faire un petit bloc hommage à CNX, genre, OK? OK. On va se faire un petit bloc avec tantôt les surveillantes qui nous montrent leur l'équation de l'amour, un peu comme Google a fait. Et bon hiver avec une pièce pour. Vu qu'on a parlé pour les Grammys. Parfait. Un petit bloc hommage à CNX. Mais pour l'instant, on écoute Dylan Brutchill. Brutchill. Brutchill avec Felix Klar Reflection Hand Cannon Remix. Dans CNX. Ça, c'est fou. On ouvre la porte du micro-ondes puis on sort un plat favori de Stéphanie Gagné à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage Requis se poursuit jusqu'à 9h. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, 7h32 minutes en ce mardi matin. Je trouve qu'il manque de Steph. Ah oui? Oui. Ben là, si tu veux qu'on ait plus de Steph, il n'y a qu'à me le dire. Ben c'est ça que je viens de te dire. Ouais, ben je vais l'appeler. C'est la Saint-Valentin. Ben compose le numéro. OK, t'as peu. Wow, ça a l'air vrai, ça. Voici ton plat favori. On s'est commandé un plat take-out de Stéphanie. Hey! Salut, Steph. Allô. Bonne Saint-Valentin, Stéphanie. Hey, c'est vrai. Je m'en étais pas rendu compte. C'est vrai, hein? J'en suis sûr. Pour vrai, j'avais pas pensé à ça. Ben, voyons donc. Ben, je commence la Saint-Valentin avec vous deux. Wow. Oh! Je commence bien, en tout cas. Tu ne peux que redescendre après, hein? C'est comme un high. Ça, c'est vrai. C'est ça. Donc, Steph, en direct de Gatineau, en ce mardi matin, pour nous parler de musique et de choses qui t'ont attiré cette semaine. Hein? Tu nous prépares ça tel une chef d'un restaurant haut de gamme. Ouais, en fait, je suis pas mal meilleur pour ça que pour faire de la bouffe. Je te comprends, moi aussi. Ouais. Oui, donc cette semaine, j'ai découvert un groupe, une amie m'a fait découvrir ça. Ça s'appelle Born Gold. Ah, c'est Avant, ça s'appelait Gobble Gobble. La plupart du monde connaît ça sous ce nom-là, que j'adore. Il aurait dû garder ça. J'aime vraiment ça. Comme une dinde, hein? Oui, c'est ça, Gobble Gobble, j'aime ça. Ça valait la peine d'être précisé. Ouais. C'est un trio de l'Alberta, puis c'est vraiment très excentrique. C'est électropop. Ils ont un EP qui est sorti en septembre, qui s'appelle Body Songs. Et à ce qui paraît, ils sont vraiment fous en spectacle. J'aimerais vraiment ça aller les voir. Tout le monde que j'entends parler de ce groupe-là me dit que c'est vraiment, vraiment fou. Il y a beaucoup d'instruments sur scène. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus étranges. Chaque chanson est comme un petit spectacle. Il y a des chorégraphies. Ils dansent sur scène. C'est super 90, mais un petit peu futuristique en même temps. Ils ont des fois, ils ont des pantalons argentés, très moulants. Il y a le chanteur Cécile Frena qui a aussi fondé une galerie à Edmonton. Ça, j'ai vraiment aimé ça, pouvoir savoir ça. Il a fondé une galerie à Edmonton qui est en fait une place où il peut y avoir de la bonne musique, mais que n'importe qui peut y aller, pas besoin d'avoir des fausses cartes. Fait que, il dit, moi, je voulais avoir une bonne place où on peut entendre de la bonne musique pour tous les âges. Fait qu'il a fondé ça à Edmonton. Ah ouais, ça fonctionne bien? Ben, ça a l'air, en tout cas. Il vend, c'est pas encore fermé, en tout cas. Il vend quoi, de jus? Probablement. Ben non, mais c'est... Sunny Delight. Ça, c'est le gros hit. Là, ça, c'est le gros vendeur. Ah, mais c'est cool, ça, par exemple. J'aurais aimé ça, je pense, quand... Ouais, mais je pense qu'il y a déjà eu ça à Trois-Rivières, mais ça n'a pas pogné bien, ouais. Mais tu sais, Trois-Rivières, hein, qu'est-ce qui pogne? Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ah, j'ai. Puis depuis que t'es parti, c'était... Ouais, j'ai vu un nouveau bar, là, qui sort à Trois-Rivières. Ah, hein? Ouais. Le nouveau bar? Le crème? Ouais, c'est ça. Eh ben. Ouais. Moi, y aller, c'est sûr. Ben ouais. C'est clair, je t'imagine tellement. Merci. C'est la piste de danse, là. Elle dit du chip tune dans ses écouteurs. Oh, ah, là, par exemple. Puis il danse tout seul. Oh, mon Dieu. Tu fais pointer c'est... du doigt. Oh. Hey, c'est pas un visuel, le fun. Non, merci. Ouais, c'est pas super. Arrêtez donc de parler de moi, là. Bon. Hein? C'est la Saint-Valentin, Mathieu, et t'es mon Valentin aujourd'hui. Oh! Quasiment cute. Ben, ouais. C'est cute, tu non? C'est vraiment cute. Ouais. Bon, fait que c'est ça. Fait que j'ai choisi la chanson Long Night du groupe Born Gold qu'on va entendre tout à l'heure. Ouais. Mais je vais vous parler d'un autre truc que je sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Normand Pavot? Non. Normand Pavot? Pavot, non. Non? Oui. C'est un jeune humoriste français mi-vingtaine. Puis il y a un site qui s'appelle Normand fait des vidéos, Normand pas de D à la fin. OK, N-O-R-M-A-N, là. Exactement. Mm. Normand fait des vidéos. Et il publie des courtes vidéos, peut-être 2-3 minutes, qui sont vraiment très drôles. Dans le fond, il joue le gars ordinaire qui parle de trucs différents, ordinaires. Le plus populaire, c'est les bilingues, que j'ai vraiment trouvé drôle. Il parle des gens qui se vantent d'être bilingues. Il y a aussi « Nous les imberbes ». Il parle le moment donné de sites pour adultes. Il parle aussi, dans une autre vidéo, d'écrire une lettre, ce que personne fait à cette heure avec Internet. Et il filme toutes ses vidéos chez eux, dans son appartement. Des fois, on voit ses colocs. Des fois, on voit son chat qui se promène. Mais c'est vraiment très drôle. Il parle des choses qui l'énervent, des choses qu'il aime, tout ça. Pour l'instant, il y a 20 vidéos. Il y a eu la saison 1 qui a eu 5 vidéos. Saison 2 qui en a eu 15. Et la saison 3 devrait commencer bientôt sur YouTube et sur son site. Donc, je vous conseille fortement d'aller sur normandfaitdesvideos.com. Parfait. Ça a l'air cool, oui. Je suis sur le site puis ça a l'air quand même cool. J'ai pas de son, évidemment, mais... Juste le site, on voit un peu son monde. Un peu. Fait à la main dessinée comme un enfant. Oui, ouais. Bien des couleurs. Oui, c'est joli. Puis vraiment, vraiment drôle. En tout cas, je l'aime bien. On va aller voir ça. Et c'est ça. J'ai su que vous avez eu la visite de Mister Valère il n'y a pas longtemps à l'université. Oui, c'était pour le carnaval étudiant. Ça fait quand même deux, trois semaines. Deux, trois semaines environ. Ouais, bande de chanceux. Mais sur un autre fuseau horaire, Stéphanie, hein, fait que on peut y parler. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu cette semaine. Ah ouais? Oui, il était de passage à Gatineau, dans une place assez étrange. C'était au Musée canadien des civilisations. Ah, pas vrai? Ouais, fait que ça donnait... Ils donnent des spectacles, là? Ouais, ils ont donné un spectacle, là, en fait, cette semaine. Mais est-ce que tu fais des spectacles, là, ou...? Ben moi, c'est la première fois que j'avais un spectacle là, mais il a l'air d'en avoir une fois de temps en temps là. Ah, ouais, c'est bien drôle, ça. Ouais, ben c'est beau, ouais, c'est mais beau. Le son était vraiment horrible parce que le plafond est tellement haut que le son se perd, on n'entendait pas grand-chose. On dirait que le son était pas assez fort. Ça, mais c'est vraiment bizarre. Très bizarre, mais en tout cas, comme à l'habitude, Mister Valère, écœurant, beaucoup d'énergie, il danse beaucoup, il y a des petites chorégraphies. Et évidemment, on était samedi soir, ils ont fait un petit hommage à Whitney Houston. Ah. On est en plein milieu d'une chanson. Ouais. Le refrain de « I will always love you » commence. Oh, pénible. Ils se mettent à chanter. Pénible. Exactement. C'était vraiment drôle. Hey, tu sais que hier, hein, encore, je voulais le faire aujourd'hui. Hier, il y avait partout dans les autres radios, là, on s'entend qu'il y a d'autres radios que c'est fou. Là, je vous apprends. Ouais. Qui jouait une chanson de Whitney Houston à toutes les heures, sûrement à toutes les demi-heures. J'avais envie de faire un avertissement pour l'émission d'aujourd'hui. Genre, cette émission a été fabriquée dans une usine exempte de Whitney Houston. Un peu comme ça, battante, tu sais. Aucune mention, mais là, tu aurais tout défaite en la mentionnant. Maudit. Ça aurait été drôle. Oui, en tout cas. On n'en parle pas ici de Whitney Houston, mais ouais, c'est ça, pénible. Pénible. Je m'excuse d'en avoir parlé, monsieur. C'est pas grave. Tu vas juste être en punition pendant un mois. Tu recommences ta chronique en avril. Oh bon. Non! Oh non! Non, mais semblant qu'on te retrouve la semaine prochaine. Ben oui, ça devrait. Mardi à 7h30. Est-ce que tu avais autre chose à dire? Je m'excuse de t'avoir coupé brusquement, tel un sauvage. Non, c'est pas mal ça. Good. On entend donc Born Gold avec Lon Nive, suivi de Mister Valère avec Mojo Ego featuring Gigi French. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Merci Steph. Merci Steph. À mardi. Bye. Bonne journée. Qui fait dodo, il est assez. Mister Valère et Mojo Ego featuring Gigi French. Ah, toujours bon ça. Ouais, ouais. Oui. Ça sort bien. C'est dans le plat favori de Stéphanie Gagné pour accompagner merci le plat favori. Oui, merci, bien sûr, à elle. Est-ce qu'on a des crudités de François-Olivier Marchand? On a des crudités de François-Olivier Marchand ce matin. Écoute, je fais ça bref. Je te parle d'un film, un documentaire, en fait, qui est sorti en 2011. Et ça fait déjà un an. Écoute, ça s'appelle The Other F. F, la lettre F, word. Comme dans Fafa ou... Fuck. Bébé et Fafa. Bébé et Fafa. Non, mais c'est ça, exactement. Et ça raconte, en fait, l'histoire de rockers, en fait, qui ont eu des enfants. Et ça montre la relation qu'ils ont avec, avec leurs enfants. Là, on peut voir, d'ailleurs, il y a un gars des Red Hot Chili Peppers, t'as un gars de Blink, t'as Tony Hawk, pro skater. attends un petit peu. T'as des gars, t'as Fat Mike de NoFX. Et ça a l'air très bien fait. Ça a l'air vraiment écœurant. Et puis, c'est ça. Écoute, je vais mettre le lien sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Et on peut voir des extraits. Par contre, je ne l'ai pas écouté. J'ai écouté les extraits, mais j'ai pas réussi à mettre la main là-dessus. OK. Mais c'est disponible... Mais c'est disponible. Oui, oui, c'est ça, exactement. On peut... d'après moi... Online? Là, en fait, online, quand je l'ai tapé, moi, ils m'ont montré que je pouvais le downloader gratuitement. Là. Ah, d'accord. Donc, je sais pas là, si ça fonctionne vraiment. T'as des gars de Rancid, t'as des gars de attends un petit peu, je suis pas capable de lire. T'as des gars qui font des sports extrêmes. C'est tout des gens, en fait, qui se disaient... qui rejetaient l'autorité. OK. Et puis là, en fait, là, c'est vraiment de voir comment ils dealent avec leurs propres enfants. Car on sait que ça prend quand même de l'autorité un peu. Là. Okay. Donc, je dis qu'il va s'en venir dans d'autres cinémas bientôt, mais que pour l'instant, il est exclusif à iTunes. Donc, j'imagine que tu peux aller le télécharger sur iTunes. J'imagine, c'est ce que je lis. Ouais, ouais, OK, parfait. C'est ce que je lis là. Bon. Et ça a l'air très bien. D'accord, parfait. C'est The Other F-Word. Ouais. Voilà. C'est The Other F-Word Movie.com, si vous voulez plus d'informations. Le lien est sur la page exact. Facebook, comme tu dis. Moi, je continue avec mon dessert délicieux de Mathieu. Et puis, c'est quelque chose de particulier, je vous dirais. En fait, j'aurais bien aimé vous faire jouer une pièce. En même temps, ça ne me tente pas de passer encore la musique de jeux vidéo puis de taper sur les non! Mais c'est sur gamemusicbundle.com. Vous connaissez sûrement le principe. J'en parle une fois de temps en temps dans mes chroniques CNX. Des bundles, Humble Indie Bundle. Tu sais, tu peux proposer le montant d'argent que tu veux, 3$, 5$, 10$, tu peux y aller avec vraiment le montant que tu veux, et l'argent va aller vers les développeurs de jeux vidéo, divisé aussi vers la charité, des œuvres de bienfaisance, des affaires comme ça. Donc, c'est pas comme un peu ce que tu me parlais hier, là, que le jeu avait ramassé je sais pas combien. Là. C'est pas sur le même principe, parce que ça, c'est Kickstarter, où l'argent va directement pour fabriquer un jeu plus tard. Non, c'est plus pour c'est plus des œuvres de bienfaisance et les concepteurs de jeux indépendants, le Humble Indie Bundle. Okay. Dans ce cas-ci, le Indie Game Music Bundle, c'est la deuxième édition, et c'est un bundle de trames sonores de jeux vidéo. Donc, vous payez le montant que vous voulez pour 5 trames sonores de jeux vidéo. Si vous payez plus de 10$, un peu comme avec le Humble Bundle, où si tu dépassais un certain montant, t'allais avoir plus de jeux qui venaient avec. Ici, ils vont te donner plus de CD encore. Okay. Donc, si tu contribues 10$, tu vas aussi recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 albums de plus que les 5. Donc, ça t'en fait comme 18, si je compte bien. Et donc, c'est ça. L'argent que tu donnes va s'en aller à plusieurs personnes, dont les gens qui ont fait les trames sonores de jeux vidéo qui sont mentionnés. Il y en a plein. Là, je pourrais pas tous les nommer, mais il y a Aquaria, entre autres, Sword and Sorcery, To the Moon, Jamestown, Machinarium, qui est vraiment super bon. Il y en a d'autres que vous irez voir sur le lien gamemusicbundle.com. La personne qui a donné le plus d'argent en ce moment est notée comme étant en première place. Donc, c'est Zin avec 444,44$ pour cette collection de trames sonores-là. Et comme je disais, il y avait de l'argent qui allait à des œuvres de bienfaisance. Dans ce cas-ci, c'est American Cancer Society, donc la Société américaine du cancer. Ils vont donner une portion des revenus. C'est 100% de la musique non protégée. Donc, vraiment, vous pouvez la partager avec n'importe qui d'autre. C'est ça, c'est des rockstars qui disent de la scène indépendante. Donc, des gens qui sont reconnus par leur père. Pas juste par leur daddy. Yo, mon fils. Non, hey, salut. Par leur père dans la communauté de la musique de jeux vidéo, qui est un domaine qui devient de plus en plus populaire et de plus en plus apprécié, de plus en plus artistiquement reconnu. La musique de jeux vidéo, c'est plus juste du petit poum, petit poum, petit poum qui joue en boucle de 10 secondes. Non, c'est ça. Non. Vraiment plus. Donc voilà, je vous aurais fait entendre un extrait, mais j'ai juste pas téléchargé ça sur l'ordinateur du studio, donc voilà. Mais c'est là. GameMusicBundle.com. Il aurait dû mettre des petits avant-goûts, genre, en cliquant dessus. Pour entendre un peu, là. Ah, attends, il y en a. Oh. Colin. Non, mais là, tu me demandes, tu me forces, tu sais, t'es quasiment là à me tordre la main. Mathieu, pourrais-tu, s'il te plaît, me faire entendre? J'essaie de te détordre. Mais ça marchera pas, je pense. Est-ce que je l'ai? Ah, voilà. Game Music Bundle. Je vais vous faire entendre une pièce, juste un extrait, là, de la trame sonore de Machinarium, parce que ce jeu-là, je l'ai. Et je trouve ça vraiment très, très bon. Si ça peut marcher. Mais bref, le lien est sur assemblagerequis.com et sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Le lien est GameMusicBundle.com. À chaque jour, on dirait qu'il y a au moins une fois que j'ai de la misère à télécharger un lien. Ça arrive. Ça fonctionne? Ouais, ça va partir. OK. Il faut juste être bien, bien patient avec ces affaires-là. C'est la trame sonore de Machinarium par Thomas Dvorak. Et c'est la pièce The Bottom. Vraiment une trame sonore qui met dans l'ambiance de ce jeu-là, qui est un petit peu glauque, qui est sombre. Mais c'est ça qui est le fun avec la musique de jeux vidéo de nos jours, c'est que la musique peut vraiment, ben, pas que c'est nouveau, là, vraiment, mais s'adapte vraiment bien au monde. Donc, ouais, c'est ça. Choisir des articles. C'est exactement ça. C'était sélectionné comme meilleure trame sonore de jeux vidéo de 2009 selon PC Gamer. Mais ça, je considère pas ça comme du chiptune. Non, c'est vraiment pas. Ben, c'est ça, parce que quand je joue du chiptune, comme le mot chiptune veut pas, ben, ça veut dire quelque chose, mais tu utilises un mot qui englobe plus d'affaires que juste la musique de jeux vidéo créée à partir de Game Boy, mettons. C'est de la musique qui sonne blou, blou, blou. Ouais, c'est ça. C'est très... Le son est quand même relativement particulier. C'est ça, exact. Alors que de la musique de jeux vidéo en tant que telle, en 2012, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui sonne comme ça. À moins que tu veuilles que ça sonne rétro, quasiment, tu sais. On pourrait dire que c'est presque du vintage chiptune que je vous fais jouer des fois. Mais je pourrais m'élargir un petit peu. Et juste en me servant de ce Game Music Bundle-là, je pourrais vous faire un petit peu plus... Genre plus ouvrir les horizons en termes de musique de jeux vidéo et faire jouer de la musique qui joue dans des jeux vidéo mais qui sonnerait pas jeux vidéo si je te précisais pas que c'est de la musique de jeux vidéo. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà pour la chronique Ton plat favori avec les crudités de François-Olivier et évidemment le dessert délicieux de Mathieu. Mathieu. Moi, tu vois celui-là, là, je le lécherais, tu sais. Oh! Gâteau. On va terminer ça ici, cette première heure d'Assemblage Requis. Pourquoi pas, François, sur cette jolie musique. Hum. On va revenir tantôt avec, entre autres, notre bloc de musique de Saint-Valentin, un peu. De Saint-Vava? Si on veut, Saint-Vava. Ouais, ben, c'est ça. Fais attention au mot en va, tu pourrais t'enfarger sur un autre mot en va. Je m'enfargerai pas dans ce mot, Mathieu. Ben non, voyons donc. Tu me connais. Je te connais trop bien. Donc, on va faire ça, et puis plus tard dans l'émission, on a la chronique de Sébastien Dulude. Dulude? On va voir, alors, j'y suis, restez là. Assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. C'est juste pourquoi et c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis en ce mardi 14 février 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et c'est la Saint-Valentin. Et oui, la Saint-Vava. Saint-Vava. C'est ça? C'est ça, exactement. Et puis, hein, on sait qu'il faut être gentil à cette journée. Faut bien. Oui, tout le temps. Le reste de l'année, on s'en fout un peu. C'est moins important. Ouais. Donc, dans cette deuxième heure, on va avoir Sébastien Dulude en fin d'émission à 8h30 avec sa chronique. Son éditorial va avoir ailleurs, j'y suis. Avant ça, on a des blocs thématiques à vous présenter. On va commencer par un bloc en hommage à ce qu'on a discuté plus tôt dans l'émission. On a parlé, entre autres, de la formule du cœur, la formule mathématique du cœur sur Google. Sur Google, et ça fonctionne très bien. Oui, sur assemblagerequis.com, dans les notes de l'émission d'aujourd'hui, l'équation est là dans l'article, dans la chronique CNX, là, qui s'appelle une formule gagnante du cœur pour Google. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une surprise pour la Saint-Valentin sur Google, voilà, sur notre site. Et puis, vous entrez ça, vous copiez-collez la phrase sur google.com, ça vous fait un cœur. C'est joli. Exactement. Et on sait que si tu arrives sur la page d'accueil de Google en tant que tel aujourd'hui, il y a un beau petit vidéo avec des gens qui sautent à la corde à danser. Ouais. C'est cute. Très, très cute. Donc, on va écouter les surveillantes avec leur extrait du palmarès, la force de la gravité. Et eux, là-dedans, ils parlent de l'équation. Ah oh, oui, l'équation de l'amour. La racine carrée du cœur. Donc, on va entendre ça. Et avant, pourquoi est-ce qu'on a parlé de Bon Iver tout à l'heure? Ah, parce que sur Twitter, les gens, après les Grammys, se demandaient « Who the fuck is Bon Iver? » Hein? Mais c'est Bon Iver, mais on disait Bon Iver. Comme des petits lapins ouais. Ours. Mais ils vont apprendre. Écoutez, c'est quoi? Écoutez, c'est la pièce Calgary. Bon. Qu'on écoute à l'instant. L'assemblage requis jusqu'à 9h. Les petits lapins et des ours. Est-ce que tu peux faire des choses entre un lapin et un ours? Voir? Non. Non, hein? Non. Stays inside all the demons. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,97979489 fois 10 exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,297979489 fois 10 exposant moins 7 newtons. J'ai calculé que la force, la gravité qui nous pousse l'un à l'autre pourrait augmenter si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Je veux renommer cette théorie, lui donner un nom bien plus joli pour décrire cette force sublime qui pousse les gens à faire des folies. Comme une pomme qui me tombe sur la tête, je ressens la foudre, je ressens ton éclair illuminé. Je me laisse aller à cette force plus grande que la gravité. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,297979489 2,297979489 fois 10 exposant moins 7 newtons. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Moi, vraiment, je commence à vraiment l'adorer, cette pièce-là, avec le temps. Là, ça a pris du temps, vraiment, beaucoup. Là. Mais les surveillantes, avec la force de la gravité, me veulent habituer et me veulent en amour. Exposons-moi cette Newton. Tombé en amour aujourd'hui. Avec ta chanson. Ben oui. Ben oui. Oh! C'est la Saint-Valentin, ben, c'est ça. C'est comme Cupidon avec sa petite... flèche, là. Quickie! Il t'a pointé ça dans le derrière. C'est ça. Stink. Je portais ma robe qui montre le cleavage de la fesse. Oh, ouais. T'as parlé il y a une demi-heure qu'il y a personne. Ah non, c'est ça, non. J'avais déjà oublié. Ben oui. Effacé ça de ma tête. Mais toi, tu m'écoutes pas, fait que c'est normal. Hey, je t'écoute. Je t'écoute, Mathieu Plante. Tu retiens juste à rien. Ben non, mais ça, tu sais, des affaires de moi. C'est pas important. Ouais, je fais le ménage de ma tête assez régulièrement. Tu vides le buffer. À chaque 5 minutes. Tu vides la cache. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ça. Donc, François, on est rendu au moment où on se fait un beau petit bloc très, très original sur la Saint-Valentin. Amour, mais on y va d'un style un petit peu original. Patrick Normand. Ce matin. Avec la chanson... Je pourrais pas te dire. Mon cœur est une fauve. Il n'y a pas d'enfant de montagne. Dans la forêt de ton amour. C'est ça, je pense. Ouais. Encore. On pourrait y passer bien longtemps. Ouais, on pourrait y passer trop longtemps même. Ça pourrait être inconfortable même. Bon, ça. OK, backwash. Bon. Backwash. Backwash. C'est rare que j'entends ce mot-là. Backwash. On va entendre du Winter Gloves tout à l'heure avec une pièce de leur album, About a Girl. C'est la pièce titre, bien sûr. On va entendre aussi Los Campesinos avec le nouvel extrait du palmarès anglophone, Songs About Your Girlfriend. Hein? Oui. Je pense que ça fit. Mais on débute à l'instant avec Death Cab for Cutie. Voici I Will Follow You Into the Dark. Ça, c'est tendre, là. Oui. Là, on est tendre, là, ce matin. Sortez votre bar, on est tendre. Ah, oh, oui. Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. They'll follow you into the dark, no blinding light or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark. We'll Une nouvelle entrée du palmarès anglophone, c'est Songs About Your Girlfriend par Los Campesinos. Palmarès d'ailleurs que Mathieu Plante anime avec passion et conviction. Oh merci. Le jeudi après-midi. Avec Jasmine Raymond-Réville, entre 14h et 17h. Exactement. Et DJ... DJ de Catardie. À partir de très bientôt, hein, il prépare cette belle petite chronique Party People. Mais elle était là la semaine dernière. Oui. Avec plein de moments inconfortables créés par moi-même. Je voulais y faire vivre ça pour la première fois pour que, lors de sa première vraie chronique, elle va être déjà habituée, t'sais. Ouais. Non, ça s'est bien déroulé. Oui. Oui. Les moments inconfortables étaient parfaits, je trouvais. Ouais. Ouais. Je l'ai réécouté hier, j'étais comme... donc, on est en plein milieu de notre bloc Saint-Valentin. François, on a entendu du Dead Cab Fuck You Lee avec I Will Follow You Into the Dark. C'est tendre. Hein? Oui, c'est vraiment tendre. Vraiment très, très tendre. Tu me racontais une anecdote là, sur ta vie de tous les jours avec cette pièce-là tantôt. C'était mémorable. C'était beau. C'était beau. Anecdote avec ta copine, beau. C'est ça, oui. Je pense qu'il chante ça une fois de temps en temps. C'est bon. Mathieu Plante. Mathieu Plante. Oh. Moi, j'ai envie de te faire entendre tantôt, à la fin de ce prochain bloc, une chanson que je dédie à toutes mes co-animatrices des Palmarès C'est Fou depuis les dernières années. T'sais. Je pensais que t'allais dire à toutes mes blondes. À toutes mes nombreuses blondes, à toutes mes maîtresses, etc. Tout le gros kit. Le gros kit. Donc, je vais vous la faire entendre à la fin et vous allez la reconnaître, peut-être, okay. Si vous écoutez les Palmarès C'est Fou une fois de temps en temps. Voilà. Mais on va commencer avec celle qu'on vous a promis tantôt. Voici Winter Gloves et About a Girl. Drop, take strike from the glass. The Artist of the Year, la pièce Le Love sur leur album Wreck, la discothèque, c'est leur avant-dernier album, leur plus récent Vélo Brigade, date quand même d'il y a quelques années. Je lis 2008, là, mais je suis pas certain de ce que j'avance. Mais en tout cas, ça commence à faire longtemps que j'ai hâte d'entendre un autre album. Exactement, et la formation Artist of the Year foulera les planches du Trou du Diable samedi 25 février prochain. Oh. Billets du spectacle là, qui débutera à 22h30 sont d'ailleurs disponibles en pré-vente au coût de 9$ à la microbrasserie. Le Trou du Diable, ainsi qu'à la barrique ici à Trois-Rivières. Merveilleux. Je les ai déjà vus en spectacle. D'ailleurs, c'était au Trou du Diable. Oui, au Trou du Diable. J'ai adoré ça. Ils sont fous furieux. Ça sort partout. Ça crie. Ça se met des perruques. C'est génial. Parfait. Donc, tu vas aller les voir? Ben, le 25? J'y songe pour vrai parce que deuxième fois, ce sera pas trop pantoute pour ça. Formidable. Artist of the Year, un groupe fantastique. Procurez-vous leurs albums sur aoty.ca. Donc, pour Artist of the Year.ca. Voilà pour ça. C'est notre petit bloc sur l'amour hein, avec la chanson. Ça, c'est un des fonds des Palmarès C'est Fou. Vous savez, si vous écoutez l'émission régulièrement, mais les Palmarès C'est Fou, la chanson thème et les fonds, c'est ça. Toutes les pièces de Artist of the Year. Et Le Love est une des préférées de mes chroniqueuses et co-animatrices. Elles adorent tout le temps quand on fait jouer ce fond-là. Le Love. Le Love. Donc, le voilà au complet. Alors, ça, c'était Winter Gloves avec la pièce About a Girl, l'extrait titre de cet album-là. C'est toujours Assemblage Requis. On continue avec une pièce qu'on n'a pas entendue depuis longtemps. François, on se gâte un peu. Ça doit être la Saint-Valentin pour les filles, entre autres. Ben, tu sais, il y a des gars qui aiment ça aussi. Là. C'est ouais. Bien correct. Mais nous, on reçoit rarement des cadeaux, je pense. Ça, c'est vrai. Donc, on s'en fait nous-mêmes. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Est-ce que tu me présentes la pièce? Non. Non? Voici Hot Chip et Alley Cats. On va le faire de seul, là-bas. Hey, c'est super bon, ça. Je vais faire une référence de filles. Comme les filles iraient à Canal Vie, laisse faire, je vais le faire. Oh. C'est le nom d'une émission à Canal. Ouais. Qui rénove, là. C'est plate. Excellent. Canal Vie. Two people are alley cats. We have an unhappy cat. He is restless, needs attention. Loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig Jones? The Jones. Like alley cats, cradle them in both our laps. When we lie alone, wear each other's heads like hats. Speak in tongues like alley cats, cradle them in both our laps. And we die alone. Sleep. to thinking about our cat. He is restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig worms? The worms. Au retour, la chronique de Sébastien Dulude va voir ailleurs. J'y suis à Assemblage Requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Blonde, François, Olivier, Marchand. Toujours à Assemblage requis à 8h32 en ce mardi 14 février 2012. C'est la Saint-Valentin. Ben ouais. On l'a pas dit encore. Non, je pense qu'on l'avait pas mentionné. Je pense que personne ne savait vraiment. On vous apprend. C'est comme un bulletin d'information, ça, cette émission-là. Hein? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, mes amis. Et on rejoint notre journaliste sur le terrain. Hey, salut! Non, on aurait pu faire une joke plate, mais qu'est-ce qu'on en fait pas? Ah non? Sur le terrain, Saint-Valentin. Oh, et Colin, okay, hein? Viens de la catcher, là. Oui, je viens de la catcher. Ouh! Et Burstack. Pas sûr d'aimer ça. Non. En même temps. Pour ça qu'on le fera pas. C'est ça. On fera jamais des blagues comme ça en nom. Jamais. Façon, on n'est pas ce genre de genre, là. À la place, on est genre de gens à s'attaquer. Au féminisme, un peu. Oh. Parce qu'il y a un gros dossier par rapport à tout ça. On laisse Sébastien Dulude vous raconter ça. Voici, va voir ailleurs, j'y suis. Bien bonjour, ici Sébastien Dulude pour la chronique « Va voir ailleurs parce que j'y suis ». Et donc cette semaine, ma chronique s'intitule « J'attendrai ». Moment de mystère, « J'attendrai ». Parce que il me semble qu'il ne soit pas simple pour un homme de pouvoir affirmer qu'il est féministe. Ni simple, ni même souhaitable. En effet, tout récemment, dans la chronique que je signe à Zone Campus, je me suis fait dire par Marie-Andrée Gauthier, qui tient également une chronique féministe dans les pages du Zone Campus, donc je me suis fait dire qu'il valait mieux que les hommes ne s'illusionnent pas sur leur capacité à adhérer à la pensée féministe, voire même que la présence des hommes au sein de l'action féministe pouvait être interprétée comme une menace. La chronique de ma collègue a mis le feu à des poudres que je n'aurais pas soupçonnées, vraiment. Il y a deux lettres ouvertes qui sont adressées à Marie-Andrée Gauthier, qui sont publiées dans la plus récente édition de Zone Campus. Et moi-même, j'ai reçu plusieurs commentaires de la part de lecteurs, hommes et femmes, donc qui réagissaient violemment aux fameux articles. Je me suis fondamentalement emballé. Je suis fondamentalement emballé, plutôt, par ces effusions d'idées. En fait, ce que j'ai fait, c'est d'affirmer que je me considérais plus féministe que 95 % des femmes que je connais. Il m'apparaît vraiment intéressant de noter que ces propos ne m'ont attiré aucun commentaire de la part de femmes qui auraient pu être choquées de mon pourcentage un peu arrogant, que je considère que seulement 5 % des femmes soient plus féministes que moi, donc un homme, ça apparemment, ça n'a choqué personne. Mais qu'une chroniqueuse féministe écrive que je n'ai pas le droit, en tant qu'homme, de prétendre être féministe, ça aurait fait réagir. Alors, je trouve ça fascinant. Et donc, pour ça, et pour d'autres raisons déjà, la chronique de Marie-Andrée mérite toute mon admiration. Mais quel cran vraiment ça prend de se positionner à l'extrémité d'un spectre idéologique de nos jours? Quelle audace, je tenais à la souligner, de s'exposer à de la critique qui a dénoncé le sectarisme de sa pensée, son manichéisme, là, cette faculté de voir tout noir, tout blanc. Le manque radical de nuances a été souligné également. Moi, je dis vraiment chapeau. On a besoin de ces balises idéologiques, parfois extrêmes. On est libre de les rejoindre ou non, en fait. La diversité, comme n'importe quelle diversité, est fondée sur cette largeur du spectre des possibles. Donc, je respecte vraiment le point de vue de Marie-André, qui me fait effectivement réfléchir à l'opportunité de me déclarer féministe. Peut-être que j'ai pas effectivement ce qu'il faut pour me dire féministe. Je sais pertinemment que le combat féministe n'est pas terminé. Malgré l'apparence égalité de nos rapports sociaux actuels, le patriarcat, donc en tant que manifestation plus ou moins évidente de la domination masculine dans une multitude de schémas d'organisation sociale, donc ce patriarcat est vraiment fondé sur une tradition qui est quoi, 40 fois millénaire, où l'homme a régné vraiment en maître absolu sur l'échiquier social en raison de ses attributs biologiques, donc essentiellement en raison de sa force physique et le fait qu'il ne soit jamais ralenti physiquement par des grossesses et par l'allaitement. Donc ce n'est pas un demi-siècle de féminisme qui aura enrayé cette tendance lourde du patriarcat. Dès lors, je comprends que la sympathie d'un homme pour le féminisme puisse être interprétée comme un leurre pour venir calmer le jeu, de vouloir mettre un couvercle sur une marmite qui n'aurait pas fini de bouillir. Mais il me semble que la condition féminine a subi un recul important depuis un certain nombre d'années et ce recul me préoccupe sincèrement. Dans cette époque actuelle de la toute-puissance de l'image, je trouve vraiment navrant d'y voir des femmes systématiquement présentées comme des objets de convoitise. En plus, ces stratégies d'image sont le fruit de fabricants d'images qui sont en 2012 des équipes de spécialistes de pointe et ce sont des équipes constituées d'hommes et de femmes. Donc, d'un côté, les femmes accèdent de plus en plus aux échelons décisionnels élevés de notre société et d'un autre côté, elles adhèrent bêtement, je dirais, aux modèles commerciaux qui ont érigé le désir sexuel comme principal moteur de consommation. Hein, je désire, donc j'achète. Sans parler tout ça dans tout ce débat de la porno, où l'actrice du 21e siècle est en plein triomphe. C'est un double triomphe, en fait, parce qu'elle fait de l'argent et en plus, elle fait bander. Donc, tout ça est célébré dans une banalisation généralisée des conséquences d'une pornographie hyper accessible. Sans parler non plus des nightclubs qui attirent la clientèle, et là, je parle vraiment de clientèle hommes et femmes, on les attire en faisant miroiter là, des posters où on semble y dire très clairement que la possibilité de s'y dénicher un trip à trois n'est pas impossible du tout. Je vous parle pas non plus des publicités dans lesquelles une paire de seins te sert un verre de bière bien fraîche à te faire saliver, sans parler non plus de nos enfants, évidemment, qui imitent tout ça. Donc, je pense que j'ai pas besoin d'écrire un chapitre pour vous convaincre que notre époque est en pleine phase génitale et que l'heure n'est pas aussi glorieuse qu'Occupation double voudrait bien nous en persuader. Ceci dit, je suis un homme hétérosexuel, coming out, et je ne reste pas de marbre devant la beauté du corps féminin. Mais je suis passablement fatigué de l'image figée et plastique de la femme comme sert du matin au soir, et je ne suis pas impressionné du tout par l'inaction de la majorité féminine face à cette situation. Les femmes ont gagné d'importantes batailles sociales, mais je désespère d'en voir les effets à long terme. Moi, j'aurais voulu que le féminisme change radicalement la donne, qu'il rende la société meilleure en détrônant les brutes, en inversant les valeurs. J'imagine que c'est là où des femmes comme Marie-André se doivent de me rappeler de mêler de mes affaires, de les laisser agir. Moi, je suis du côté du problème. Je suis né avec des chromosomes X et Y. Moi, je peux rien. Mais allez savoir pourquoi, je n'ai jamais su profiter de ma condition d'homme blanc, né dans un pays riche. Ça ne me colle pas à la peau. Moi, je suis un fils de bourgeois qui a quitté la voie toute tracée du succès sans jamais réfléchir aux conséquences. Je suis un drop-out de la carrière juridique qui vit maintenant pour la littérature et l'art. Donc, j'aurai toujours plus d'affinité pour les paumés, les excentriques et les gens qui n'entrent dans aucune catégorie sociale. Michel Foucault l'avait si bien écrit, même le sexe, là, je parle du genre masculin et féminin, même le sexe, donc, est une construction sociale, une de plus à déconstruire. Donc, les rapports hommes-femmes, riches-pauvres, forts-faibles, toutes ces oppositions devront un jour tomber pour rendre pleinement compte de la formidable diversité humaine. En attendant, je me range du côté des cas limites, des inclassifiables, des ambigus. Féministes, je vous dis, nous vous attendons avec impatience. Merci d'avoir écouté. C'était Sébastien Dulude et on se reprend dans quelques semaines. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Toujours excellent. Comment il fait pour écrire des choses aussi évocatrices? Une réponse à Marie-André Gauthier. Tu vois, moi, j'ai pas les mots pour ça. Je n'ai pas regardé à parler. Je n'ai pas regardé à la radio. Puis je veux. Qu'est-ce que tu allais dire? C'est une réponse à Marie-André Gauthier. Oui, qui est dans le journal Zone Campus à toutes les deux semaines. Sébastien aussi. Et si vous voulez relire les chroniques de Marie-André qui ont mené à cette discussion, allez voir sur zonecampus.ca. Il a un vocabulaire pas mal plus élevé et plus construit que le mien. Non, c'est très bien. très bien, ils se répondent. C'est correct. Ben, c'est ça. Il y a eu des textes d'opinion, il l'a dit, ils sont dans le numéro qui est en kiosque en ce moment même. Ouais, c'est ça, exactement. Deux textes d'opinion de la communauté étudiante. Voilà donc pour Sébastien Dulude et sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. On le retrouve dans deux semaines ici à Assemblage Requis. Le prochain numéro de Zone Campus sort lundi prochain. Formidable. 8h41 dans cette émission du mardi 14 février. Je vous dirais qu'on a encore une vingtaine de minutes à faire, mais ce sera pas tellement long hein, parce que à peine quelques chansons, l'émission sera déjà terminée. Ouais. Ça va vite. Tu sais, à la Saint-Valentin, comme ça, faudrait pas faire pleurer notre auditoire. Mais non, voyons donc. À quoi qu'on penserait, hein? Je sais pas. J'ai dédié cette pièce à quelqu'un qui s'appelle Madeleine. Je sais pas s'il y en a beaucoup des Madeleines dans l'université, mais voici Mauve et Madeleine. La peine quand tu embrasses les autres garçons. On fait des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais de la vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'inviter à marcher pieds nus sur le quai de tous tes prétendants. Madeleine, elle veut que tu sèmes en hiver pour fondre la neige en nous qui ruisselle sur l'arc-en-ciel. Oh Madeleine, ton bouquet verveine gelant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. Les étoiles dans tes yeux. Almost. Hey, que c'est bon. On a presque dit en même temps. Ouais. Almost. Presque. Almost. Oh, oh, oh. Mathieu Plante est en feu. Ce ben oui. Ah, et puis c'était quoi la tune? C'était Birmingham. Ah, c'était bon. Birmingham. Ben oui. Alors, vous êtes toujours à Assemblage Hockey, là. Vous vous dites, mais Colin, vous autres, les gars, vous jouez donc bien de la musique aujourd'hui. Ben oui. Hier aussi, on m'a fait jouer un peu. Oui, quand même. Parce que là, on est en période de transition, là. Ouais, on transite vers du bon goût, plus tard. C'est ça, plus tard. La semaine prochaine, exemple, mardi à 8h, on va avoir une nouvelle chronique de la part de Gabriel Degrasse, que vous avez peut-être entendu à l'émission. Ouais, elle commence officiellement la semaine prochaine. C'est ça, exactement. Okay. Bon, avec sa chronique sur plein de choses, j'imagine. C'est encore flou un petit peu. C'est pour encore moi, un vague. Gabriel Degrasse, comme ça, les mardis à 8h. Ça va être gracieux. Ça va être gracieux. Je vais pouvoir lui dire à chaque semaine à la fin de sa chronique de gracias. De gracias. J'ai très hâte de pouvoir faire ça. On parle de ça. Mais voilà. On a aussi, comme tu disais précédemment, DJ Catardi qui va faire une nouvelle chronique à l'émission Les Palmarès, c'est fou. Ça s'en vient très bientôt aussi. Et puis, il y a d'autres changements qui s'en viennent dans les prochaines semaines ici à Assemblage Rocky. Et c'est fou. On aime ça, du changement, de la nouveauté, du nouveau sang. C'est à Saint-Valentin, hein, la fête de l'amour, mais aussi les filles aiment les vampires. Donc, ouais, c'est ça tout ça. Bon. C'est vrai, ça, avec les vampires, hein? Ouais, c'est ça, avec Twilight et toute la patente. C'est déprimant. Toi aussi, t'aimes ça, hein? Ah, Twilight! Ouais? Tu me connais donc bien, hein? Ben, écoute. Écoute. Ah non, c'est Copper Gum, ça. Non, mais j'ai la trame sonore de Twilight dans ma boîte de CD. Mais ça vient aussi. Mais les trames sonores de Twilight, on le dit à chaque fois qu'on en fait jouer, mais elles sont toujours absolument excellentes. C'est pas parce que les films sont mauvais que les trames sonores, ils se forcent pas à trouver de la musique super indie. C'est très, très bon. Il y a du Dead Cab là-dessus, entre autres. Du OK Go. Plein de choses. Je peux te l'amener tantôt si tu veux, on en fera jouer. Écoute, amène-moi le film, puis on va la regarder. Ouais, le film ensemble, hein? Ouais. Pour l'instant, il est très, très lover, j'en suis certain. Voici David Giguère. En tout cas, il se fait brasser les cheveux, sûrement. C'est pas pire, ça. Sûrement pour les filles, c'est très, très bon. Ouais, je vais pas détester ça. On adore la pièce. La voici, c'est encore au 89 FM. Entre l'été et l'automne, prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue, et puis me dit joue, et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Passer sa vie à se courber le dos dans les jardins de nos ébats. Y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Aller creuser, aller crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Oh, des excellentes pièces du palmarès francophone de C'est fou, c'était Encore de David Giguère à Assemblage Rock. Pour vrai, c'est super bon. Carin. Ouais, ouais, j'aime ça. Sacrocheur. Eh oui, tu l'as en tête la journée. Ouais, vraiment. Une autre chose que j'ai souvent dans la tête, c'est du Band of Skulls. Tu sais, parce que Band of Skulls, qui était sur le palmarès il y a des années de ça, on les adorait. C'était génial. C'était génial. Mm-hmm. Ils viennent de sortir un nouvel album le 7 février passé. On n'a pas encore reçu assez fou. On a très, très hâte. Aussitôt qu'on le reçoit, on vous le fait jouer. Espérons. Mais... qu'on va le recevoir. Ben, probablement, probablement. Sweet Sour, leur nouvel album qui sortait mardi dernier. Mais la raison que je vous parle de ça, c'est parce que tantôt, on a mentionné Twilight. Oui. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on parlait de Saint-Valentin, d'amour, de filles. Les filles, c'est Twilight. Les vampires, ça, ça pas le choix. Blablabla. Les vampires, c'est amoureux, ça. C'est amoureux. Ouais. D'humaine. Et puis, sur les trames sonores de Twilight, il y a toujours d'excellents groupes indie. C'est ça l'affaire qui est bizarre à comprendre et qui est difficile à expliquer. Ben, en fait, c'est super simple à expliquer, mais c'est difficile à comprendre que les films Twilight sont super mauvais, mais les trames sonores sont toujours excellentes. Le plus récent, c'est-tu le plus récent ou l'autre avant? En tout cas, New Moon, là, peu importe. Okay. Il y avait du Dead Cab là-dessus, Band of Skulls, The Killers, Bon Iver, Black Rebel Motorcycle Club, OK Go, Grizzly Bear, un paquet de bonnes choses. Et ben, c'est ça, on va entendre l'extrait de Band of Skulls sur la trame sonore de Twilight. OK, c'est quoi l'extrait? Comment ça s'appelle? Il s'appelle Friends. OK. Et on écoute ça, puis après ça, on revient et on se dit au revoir. Bye-bye. Love. Tout plein d'amour. À Saint-Valentin. Je veux dire, yeah. Yeah. Searching for something, something I can't put my finger on. Maybe I've been living for the weekend. Maybe I've been living for this island song. But every Friday, just about midnight, all my problems seem to disappear. Everyone that I miss when I'm distant, everybody's here. It's true, I need every waking hour with you. And my friends, cause they're so beautiful. Yeah, my friends, they are so beautiful. They're my friends. Wasting all my money, all my time. All the time that I'm waiting, waiting. Waiting for the moment you are mine. It's all about you, thinking, thinking. Thinking all the things that I've done wrong. All the time, yeah, I was forgetting. Band of Skulls et la pièce Friends. C'est très bon, Mathieu. T'as raison. Écoute, j'ai douté parce que ça portait l'étiquette de Twilight. Ben, c'est ça. Faut pas se fier aux apparences. Ah non, il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Mais des fois, c'est pas évident, tu sais. Ouais. Des fois, c'est pas évident. C'est de même, gars, je me fie à ton apparence, tu sais, je pourrais dire. François, t'es un homme, viril et tout, mais en même temps, ça, c'est une apparence, mais en vrai, t'es super tendre et tu sais. C'est ça, rempli de mucus, là. Mettons. Ah, merci, Mathieu. Ce que j'aurais pas su si je. En tout cas. Donc, restez sur nos ondes. Tout à l'heure, ça va être Faut bien en rire, le talk show sur différents sujets de la vie de tous les jours. Ça commence à 10h. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. À 13h, les filles de Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, David Perron avec La langue dans ton oreille et de la musique francophone. Ensuite, à 16h, Le voyage insolite. 17h, album classique. 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. C'est votre programmation. Allez voir le cfou.ca. pour en savoir plus. Et tant qu'à être là, ben allez sur assemblagerequis.com pour voir les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusions MP3 de chaque édition d'Assemblage Requis. C'est toujours utile. Exactement. Pour compléter sa collection, tu sais. C'est un beau cadeau de Saint-Valentin, ça. Ben oui. Je t'offre la série complète d'Assemblage Requis jusqu'à maintenant. Tiens, cadeau. Ouais, c'est ça. C'est un cadeau empoisonné. Tu sais, qu'est-ce qui fait par-dessus les portions où je parle. La musique est bonne, tu sais. Ah non, c'est vrai. La musique est bonne. Tout dépendant, chiptune ou pas. Mais bon. Bon. Dans l'ensemble, c'est bien. Sauter la première demi-heure en général, c'est pas vrai. C'est pas vrai, clin d'œil. Hey, Mathieu, je te souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Ah, toi aussi. Et tu resteras si tendre à mon cœur. Bonne nuit. Bon. Avoir su, hein. Je t'aurais préparé un cadeau. Ah! Ben, il est pas trop tard, écoute. Je suis jusqu'à 4 heures. Hey, on se retrouve demain. Bye, François. Hey, bye, bonne journée. Hey. Bonne nuit, mon cœur. I can touch your whispering voice while you